Moi ce que je préfère, c'est les habillés, les poupées Barbie. Elles sont douces, tendres et câlines. Quand je leur enlève leurs habits, quand je leur propose doucement de retirer tous leurs vêtements, allongés tranquillement sur le sofa de mon salon. Moi ce que je préfère, c'est parler avec les poupées Barbie. Jamais un mot, une question à la con. Et pourquoi si, et pourquoi quoi? Je sais pas pourquoi, j'ai le bourdon. Dis-moi quelque chose, tu ne dis plus rien. Si tu ne dis rien, c'est que tu ne m'aimes pas. Si tu ne m'aimes pas, alors... Moi, ce que je préfère, c'est coiffer les poupées Barbie. Que le cheval, le chignon, choucroute, sur le tétu, chapeau pointu, voilette résille et lunettes noires. Vive la brosse et le séchoir. Chevelure tigresse pour le soir, chevelure à tresse pour le noir. Moi ce que je préfère, c'est habiller les poupées Barbie en bas de soie ou en bas de nylon. Ou si je préfère en guêpière, en col roulé, je peux aussi. Culotte de cheval et bottes fourrées, mini-jupe, scaphandrier, et coup de folie en bikini. Mais par-dessus tout, moi ce que je préfère, c'est jouer avec les poupées Barbie. Partie d'échec de Sudoku, trivial poursuite et mots croisés. Mais chez Barbie, moi ce que je préfère. Mais chez Barbie, moi ce que je préfère. Mais chez Barbie, moi ce que je préfère. C'est tout de même le strip poker.